un petit vélo. Il était pas beau, il était pas gros, mais bon, il m'emmenait au boulot. Et puis un jour, au fond de la cour, où je le bouclais sans double tour, il était plus là, mon petit vélo. Sans doute, bon, il n'était pas parti tout seul. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Alors voilà, rien n'est à moi. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Même pas un petit vélo. J'avais adopté un cabot, un petit caniche croisé blaireau. Il était moche, mais il faisait le beau, il faisait. Et puis un jour, un gros poids lourd qui effectuait son demi-tour. Il avait pas vu mon petit cabot. Depuis ce jour résonnent ses jappements dans les pots des champs. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Alors voilà, rien n'est à moi. Non, non, non. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Même pas un petit cabot. Pour une fois que je jouais au loto, j'ai dit ce soir je fais l'apéro et tu me mettras deux trois bancos. Mais quand on se bourre la gueule 30 jours, y'a la chance qui va faire un tour. Et mon petit ticket valant plus rien, bah je me retrouvais avec rien plus rien. Alors c'est ça, rien n'est à moi. Alors voilà, rien n'est à moi. J'avais séduit une aristo, moi, j'étais son Hidalgo, moi qui jamais n'ai gagné trop à faire connaître ma libido. Elle était belle. Elle était jeune. Elle était seule. On s'est aimé. Et puis, un jour, ce que c'est que l'amour? Au réveil, j'ai pas dit bonjour. Ça tournait court, 10 ans plus tard et pour toujours. Me taper les courses à Carrefour, les couches des gosses, les frites au four, les vacances chez sa mère dans la roue, et les bouchons sur le retour, les regards de fer dans œil de velours. Les mon chéri, tes potes sont lourds. Ah mais dis donc, tu crois ça en me regardant dans les yeux, qu'elle me dit à moi comme ça, tes potes sont lourds. Et leurs Power Rangers qui prennent dans l'entrée. Et les factures impayées. Et le chien qui mord sans arrêt. Et dans le garage, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai un 4x4 moi maintenant. J'aurais su, j'aurais rien eu.